Je suis suivi par un motard qui s'est nettement déporté sur sa gauche, comme s'il allait me dépasser. J'arrive à hauteur d'un refuge aménagé sur un passage pour piétons et signalé par un panneau de contournement obligatoire par la droite. Même si son dépassement n'est pas raisonnable, je ralentis pour lui permettre de se rabattre avant d'être arrivé sur le refuge. Réponse A.